Fanny. En effet, on entend crier. Fanny, ma belle, viens. Fanny. Oh, Fanny. Oui, appelle-moi, oh, là. Appelle-moi, là. Hein. Fanny. Il vient à Fanny, lui prend la main et l'entraîne dans le bar désert. Il se porte très bien. Tiens, tu vas me relire sa lettre. Il lui donne la lettre et s'installe en face d'elle. Allez, vas-y, ma belle. Mon cher papa. Oui. Pardonne-moi, mon cher papa, la peine que j'ai pu te faire. Je sais bien comme tu dois être triste depuis que je suis partie, et je pense à toi tous les soirs. Et tu penses à moi tous les soirs, mais moi je pense à toi toute la journée, grand imbécile. Enfin, continue. Pour dire de t'expliquer toute la chose et de quelle façon j'avais cette envie, je ne saurais pas te l'écrire. Mais tu n'as qu'à demander à Fanny, elle a connu toute ma folie. Folie, ah, ça c'est le mot. Ça me fait plaisir de voir qu'ils se rencontrent, tu sais. Maintenant, laisse-moi te raconter ma vie. Ouais. Quand je suis partie, on m'avait mis aide cuisinier. Aide cuisinier, ils ont dû bien manger dans ce bateau. Au bout d'un mois, il n'y aura plus que des squelettes, ce sera le bateau fantôme. Mais au bout de quelques jours, ils m'ont remplacé par un autre homme de l'équipage qui s'était blessé à la jambe en tombant dans la cale, et moi, j'ai pris sa place sur le pont. Bon, tu vas voir, ça va devenir terrible. Je t'ai pas écrit plus tôt parce qu'en arrivant à Port Saïd, nous avons eu des gros ennuis. Comme un matelot du bord était mort d'une sale maladie, les autorités se sont cru que peut-être c'était la peste et on nous a mis en quarantaine. La peste, tu entends? La peste, coquin de sort, la peste sur son bateau. Quand un de ses camarades à l'école communale attrapait les orions, je gardais M. Marius à la maison pendant un mois pour le préserver. Et maintenant, il va nager dans la peste jusqu'au cou, tu entends? Il n'a pas eu, lui, puisqu'il nous écrit. Mais il n'a pas eu, mais il a bien failli l'avoir. Et puis enfin, il faut dire que la peste, c'est une maladie terrible. La peste. Tu te rends compte, hein? Le cou gonflé, la bouche ouverte, une langue épaisse comme une langue de bœuf, et le nombril tout noir, tout gonflé, comme un enceinte. Hein? Oh, Marius, t'as pas fini de nous faire faire du mauvais sang. Ça a bien continué, la peste. Oh. Mais les docteurs du port ont tout démantibulé le pauvre mort pour voir ce qu'il avait, et ils ont dit que ce n'était pas la peste. Tant mieux! Maintenant, nous voilà délivrés et nous allons repartir pour Aden. Ce voyage est merveilleux. Mais malheureusement, on ne s'est pas arrêté en route, ce qui est bien regrettable, surtout que nous sommes passés au large de plusieurs îles où se trouve la célèbre ville grecque d'Athènes, qui était autrefois la grande forteresse des Romains. Oh, on voit qu'il est avec des savants, hein? Enfin, tout va très bien et ma nouvelle vie me plaît beaucoup. Je suis maintenant au service des appareils océanographiques. Ah oui, celui-là, j'ai pas pu le lire. Nous allons nous en servir bientôt pour mesurer les fonds de l'océan Indien. Tu te rends compte, Fanny? Ce petit qui faisait sa main de ne pas savoir mesurer un piquant grenadine et qui maintenant va mesurer le fond de la mer. Qu'est-ce que je dis, la mer? De l'océan. Le fond de l'océan. Et Indien, hein? Tous ces messieurs, les savants, sont très gentils avec moi. Naturellement. Tu vas voir, un peu plus loin, il y a quelque chose pour toi, tu vas voir. Enfin, tout ça va très bien. Et j'espère que ma lettre te trouvera de même, ainsi que Fanny. Ainsi que Fanny, tu vois, hein, il pense à toi, hein. Donne-moi un peu des nouvelles de sa santé. De sa santé, tu vois, hein. De son mariage avec ce brave homme de Fanny. Elle sera sûrement très heureuse avec lui. Dis-lui bien de ma part. De ma part, tu vois. Écris-moi mon nom. Bord de la Malaisie, à Aden. Nous y serons le 15 septembre. T'embrasse de tout mon cœur, ton fils, Marius. Ton fils, Marius. En dessous, il y a des cris. Ne te fais pas du mauvais sang, je suis heureux comme un poisson dans l'eau. César paraît très gêné. Eh oui. Il est heureux. Il nous a laissés là tous les deux, et tu vois, pourtant, il est ravi. Qu'est-ce que tu veux, ma petite Fanny, il est comme ça. Ah, puis il faut se rendre compte, pas qu'il n'a pas beaucoup de temps, et puis sur le bateau, c'est difficile d'écrire, ça remue tout le temps, n'est-ce pas? Oh, évidemment, il aurait pu mettre quelque chose de plus affectueux pour moi. Et surtout pour toi, ma petite Fanny. Mais peut-être qu'au moment où il allait écrire une longue phrase, n'est-ce pas, pour toi, quelque chose de bien sentimental, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être qu'on est venu l'appeler pour mesurer l'océanographico. Moi, il n'y a que comme ça que je me l'explique, hein. Oh, puis quoi, c'est la première lettre, et puis il y en aura d'autres, va. Allez, viens, Fanny, écoute, viens, on va lui répondre. Seulement, moi, j'ai la main un peu grosse pour le porte-plume. Alors c'est toi qui vas répondre. Viens, ma belle. On va se mettre dans la cuisine, on sera plus tranquille. Viens, viens, ma belle, viens, ma chérie. Viens. Il se lève et appelle le chauffeur du ferryboat qui flâne sur le quai. Oh, frige au poulet! Dis, garde un peu l'inventaire, là, hein? Ouais. Et puis, ferme le bar, là. Yeah. Fermé pour cause de correspondance. Allez, ils entrent dans la cuisine et il installe devant Fanny un sous-main et un encrier. Elle prend le porte-plume et César commence à dicter. Voyez? Mon cher enfant, enfin, je reçois ta première lettre. Elle n'est pas bien longue. J'espère que la deuxième durera au moins 10 pages, et même 20. Ce que tu me dis au sujet de tes savants est très intéressant. Mais, quand tu mesureras le fond de la mer, ne te penche pas trop, car tu pourrais tomber par-dessus bord. Et là où ça sera trop profond, t'es, laisse un peu mesurer les autres. Oui, parce que moi, tu comprends, je le connais, M. Marius. Quand il était petit, un jour, je l'ai mené à la pêche dans la barque de Maître Fanis. Hein? Alors, il s'est penché au-dessus du bateau pour voir la ligne Zou, un homme à la mer. Bon, il est vrai qu'à ce moment-là, il avait la tête plus lourde que le derrière. Oh, depuis, ça a changé, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous disiez, hein? Qu'est-ce que j'ai... Oh, dis-moi la phrase. Il se lève et va se pencher sur l'épaule de Fanny. Laisse un peu mesurer les autres. Les autres, soulignez les autres. Les autres, bien épais, hein? Bien épais, Zou, là, voilà. Il continue la dictée en se promenant. Et si quelqu'un à bord a la peste, ne lui parle que de très loin. Et surtout, ne le fréquente plus, même si c'est ton meilleur ami. Car l'amitié, c'est une chose admirable, mais la peste, c'est la fin du monde. Du monde. Ici, tout va bien. Sauf une colère qui m'a pris quand tu es parti et qui ne m'est pas encore passée. Oui. La petite Fanny ne va pas très bien. La petite Fanny n'écrit plus, elle écoute. Elle ne mange, pour ainsi dire, plus rien. Elle est toute palote. Et dans le quartier, tout le monde le remarque. Toute la journée, les gens répètent, la petite s'en ira de la caisse et César partira du ciboulot. Aussi Honorine me jette des regards sanglants. Et chaque fois que je la regarde, j'ai toujours peur qu'elle me tire des coups de revolver, que ça me donne le frisson de la mort. La mort. Pourquoi tu cries pas? Oh, écoutez, César, je crois que c'est pas nécessaire de lui mettre ça. Parce que ça va lui faire de la peine. Eh bien, et à nous? Il nous en a pas fait de la peine, à nous, hein? Ben oui, mais ça ne sert à rien de la lui rendre. Oui. Au fond, tu as raison, ça ne sert à rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Hein? Attendez, je vais vous l'écrire. Non, n'écris pas, n'écris pas. Dis-le-moi d'abord, La petite Fanny est comme d'habitude. Pour son mariage avec Panis, je crois que rien n'est encore fait. Mais peut-être que je ne sais pas tout. Excellent, ça c'est excellent. De temps en temps, nous parlons gentiment de toi sur la terrasse du café. Quelquefois, le soir, quand tout est calme, pendant que Scartefic fait la conversation avec Panis ou M. Brun, il nous semble réellement que tu n'es pas parti si loin. Et tout juste monté jusqu'à la gare pour lui descendre cette année-ci. Que tu vas bientôt paraître sur la porte avec ton chapeau de paille, ton petit mouchoir autour du cou.